Je me permets effectivement de remercier Yvan Le Scoutoff, tout le comité d'organisation. Donc, je me propose de vous parler de Louis XIV, roi de paix dans l'histoire métallique. Et donc, permettez-moi de commencer cette communication en la plaçant sous les auspices de Boileau, qui, voulant se démarquer des autres plumitifs de son temps, compose en 1669 une épître louant la figure du roi pacificateur. Mais un roi vraiment roi qui, sage en ses projets, sache en un calme heureux maintenir ses sujets, qui du bonheur public ait cimenté sa gloire, il faut pour le trouver courir toute l'histoire. La terre compte peu de ses rois bienfaisants, le ciel à les former se prépare longtemps. J'ai coupé bien sûr, et à la fin de son épître il précise, puis en s'adressant directement à Louis XIV, ce sont là les exploits que tu dois avouer, et c'est par là, grand roi, que je veux te louer. Cette épître, rédigée un an après la paix d'Aix-la-Chapelle, qui met fin donc à la guerre de Dévolution, aurait été commanditée par Colbert, apôtre de la paix, opposé au parti belliciste de Louvois, désireux d'entamer de nouvelles campagnes. La lettre de Boileau interroge sur la manière dont un prince travaille à sa grandeur, affirmant que la paix est tout autant source de gloire que la guerre. Si le poète échoue à convaincre Louis XIV de favoriser durablement la concorde, il dresse toutefois le portrait d'un souverain idéal, soucieux du bien de ses sujets, vertueux, car prudent, tempéré, fort et juste, pour reprendre les quatre vertus cardinales chères au père du christianisme. Ce modèle du gouvernant travaillant constamment à la paix avait déjà nourri les miroirs du prince servant à éduquer l'enfant destiné à régner. Je prendrai pour exemple l'abbé Cotin, vers 1665, qui honore dans une formule inattendue Salomon, vainqueur pacifique, voilà la formule, exemple de sagesse proposée au grand dauphin. Plus souvent, la pompe pacifique salomonienne est complémentaire de la grandeur guerrière d'un David, toutes deux contribuant à forger l'imaginaire des futurs maîtres des affaires politiques. De ce binôme édifiant, Salomon-David, il semble que l'influence de David ait été davantage retenue par le roi de France. En effet, difficile d'associer le règne de Louis XIV à un état de calme et d'entente, tant les conflits ont occupé les affaires. Sur les 54 années de gouvernement personnel, on compte 33 années de guerre. Et surtout, tant la promotion du monarque s'est façonnée autour d'un imaginaire du roi de guerre que les travaux de Joël Cornette, Peter Burke, Gérard Sabatier ou plus récemment Yann Lignereux ont clairement mis en évidence. L'histoire métallique du roi conforte cette impression, car elle narre une épopée triomphale construite à partir d'actions les plus éclatantes. Là, je cite. La présentation du recueil que l'abbé Talmont soumet au lecteur dans la préface atteste, du reste, de la primeur des exploits militaires. Donc, j'ai repris un passage de la préface. On voit des provinces subjuguées en peu de jours, plus de 300 villes prises et des villes qui, par leur fortification et par leur situation naturelle, étoient plus difficiles à conquérir que ne l'étoient autrefois les provinces entières. On voit des batailles gagnées sur terre et sur mer, les alliés secourus, protégés et rétablis, la discipline militaire dans son plus haut point. On voit la marine fleurissante, des ports sur les deux mers, des vaisseaux et des galères qui font respecter partout le pavillon français. Et là, j'ai souligné, au milieu de tant de prodiges qui regardent la guerre, on trouve des établissements pour les pauvres, pour les soldats, pour la noblesse, pour les gens de lettres. On admire la bonté prévenante du prince, sa justice, sa piété, sa clémence, sa modération, sa libéralité, sa magnificence. Enfin, tout ce que renferme de glorieux la vie des héros de l'ancienne Rome. Le mot « paix » est totalement absent de cet avant-propos. Le règne étant rythmé par des prodiges martiaux, au milieu desquels des moments de tranquillité ont permis d'admirer les vertus chrétiennes du prince. C'est justement cette position marginale accordée à la paix dans l'ouvrage de 1702 que l'on se propose d'étudier aujourd'hui. Seulement 20 médailles sur les 286 que compte l'Infolio mentionnent explicitement un état de paix dans le type, dans la légende ou l'exergue de la médaille, ou bien dans la relation qui lui est associée. Comment interpréter cette part infime accordée à la paix ? Est-ce parce que la paix, dans l'imaginaire collectif, constitue une notion traditionnellement associée au féminin, et qu'un monarque fondant son image sur ce thème ne pourrait pas tonalement convaincre ? Je ne le crois pas. Il y a en effet des modèles de rois pacificateurs, j'ai parlé déjà de Salomon. Est-ce parce que l'emprise de la guerre est bien trop palpable dans ce siècle de fer et que chanter les louanges d'un roi de paix brouillerait la communication monarchique en introduisant de la contradiction ? Est-ce parce que les turiféraires sont mal à l'aise avec un thème qui touche aux qualités religieuses du prince, tant remise en question par ses détracteurs ? Ou est-ce tout simplement parce que cette thématique n'est pas celle qui remporte l'adhésion d'un Louis XIV extrêmement soucieux de sa gloire ? L'analyse des représentations pacifiques contenues dans la publication de 1702 nous permettra d'apporter des éléments de réponse et de saisir le rapport très particulier que le souverain imaginé entretient avec la paix, notion qui ne saurait ici se réduire à un concept strictement antithétique de l'état de guerre. Afin d'appréhender cet imaginaire conciliateur, je vous propose d'étudier d'abord la chronique d'un règne de paix, puis d'observer de quelle manière Louis XIV est présenté comme le grand artisan de la concorde, avant de terminer sur une exposition des bienfaits que le retour au calme procure. Donc tout d'abord, la chronique d'un règne de paix. La minorité de Louis XIV est marquée par une intense activité diplomatique orchestrée par le cardinal de Mazarin, très soucieux du rayonnement de la France sur la scène internationale. Deux médailles illustre l'application française dans les processus de conciliation et idéalise à la fois la figure du roi médiateur, mais aussi celle du défenseur des libertés opprimées. Le premier exemple, donc, de roi pacificateur est proposé par cette médaille de la paix d'Italie de 1644, une médaille conclue, je cite, « grâce à la médiation du roi ». Alors que celui-ci n'a que 6 ans, ce que vous comprenez d'ailleurs très clairement quand on regarde le profil juvénile à l'avers. Élevé au rang d'arbitre par la légende ornant le pourtour du revers, le jeune Bourbon est loué pour la capacité de ses diplomates à résoudre un conflit qui met aux prises le pape à d'autres princes italiens. Je ne rentrerai pas dans le détail ici. Dans le cadre d'un affrontement impliquant la papauté, la glorification de Louis XIV médiateur permet aux turiféraires d'affirmer la sagesse prééminente de l'enfant roi sur celle du Saint-Père. En attribuant au roi le rôle traditionnel dévolu au pape d'arbitre des guerres internes à la chrétienté, les académiciens affirment l'ascendance de leur monarque sur le reste de l'Europe et surtout son indépendance à l'égard du chef de l'Église catholique. La dévalorisation d'un souverain voisin est encore plus ostentatoire dans la médaille relative à la paix de Münster, conclue en 1648 afin de mettre fin à la guerre de 30 ans. En effet, la France, dans une posture pleine de noblesse, écrase le joug de la servitude que l'empereur entendait imposer. Donc, je pense que vous voyez bien le joug au pied de la France. Les différents attributs qui l'entourent, balance de la justice, branche d'olivier, caducée entrelacée de cornes d'abondance, font explicitement référence aux valeurs de paix et d'équité que défend l'allégorie. L'insistance en légende sur les libertés germaniques témoigne du triomphe des vues de la politique française en Europe centrale. En effet, le traité signé à Münster rappelle la souveraineté des États qui composent l'Empire, souligne leur droit de contracter des alliances et précise leurs prérogatives militaires. L'empereur Ferdinand III de Habsbourg doit concéder qu'il n'a pas de véritable pouvoir décisionnel sur les autres territoires de son empire et se voit donc contraint de passer par la Diète pour adopter des mesures collectives. La paix de Münster, de fait, affaiblit fortement l'empereur des Romains, ce que confirme sur le revers, et j'ai fait un zoom, le parfait équilibre des plateaux de la balance tenu par la France. La seule couronne impériale n'a pas davantage de poids que tous les princes germaniques réunis. L'ascendance que les Habsbourg entendent exercer sur l'Empire depuis le règne de Maximilien Ier au début du XVIe siècle disparaît sous l'action d'un roi de France devenu justicier et champion de la liberté. En ne retenant de la paix de Münster que l'abaissement impérial, les auteurs de l'histoire métallique gauchissent les résultats d'une négociation considérée comme l'un des fondements des paix ultérieures, qu'il s'agisse de Nimègue, de Ryswick ou de Rastatt. Il y a donc clairement ici une volonté d'orienter la lecture de l'histoire en ne retenant que l'aspect négatif, douloureux, du conflit et en soulignant la position inférieure de l'empereur. Au moyen de la paix, les deux exemples précédents élèvent Louis XIV tout en dépréciant deux figures politiques essentielles de l'Europe du grand siècle. La prédominance du trait chrétien sur le pape et sur l'empereur du Saint-Empire, soit donc sur deux figures catholiques majeures, s'en trouve ainsi affirmée dès le début du règne, avant même que le souverain ne se soit réellement saisi du pouvoir. Donc ça, c'était pour l'image du roi de paix mineur. Maintenant, l'image du roi de paix majeur. Eh bien, une fin majeure, 8 épisodes de pacification ont retenu l'attention des concepteurs de l'histoire métallique, mais tous n'ont pas été traités avec la même attention. Alors, j'ai établi un tableau qui recense les différentes pacifications et le nombre de médailles qui peuvent leur être associées. 3 paix de grande ampleur se détachent de cet ensemble. La paix des Pyrénées, dont nous a parlé déjà un petit peu Isabelle tout à l'heure, de 1659, la paix de Nimègue, de 1678, et la paix de Ryswick, entente ayant donné lieu à de longues négociations, qui sont organisées pour les deux dernières dans le cadre donc d'un congrès réunissant plusieurs belligérants européens. Si chacun de ces traités est renforcé par un mariage donnant lieu à une illustration métallique que j'ai incluse dans ce tableau, c'est pour ça qu'il y a plusieurs médailles parfois, la paix de Ryswick est traitée de façon assez unique dans la série de 1702, car l'apaisement en lui-même est décliné selon 3 versions, les 3 versions de la paix de Ryswick. D'ailleurs, seconde médaille, troisième médaille, vous voyez, exactement le même sujet. Et cette paix, donc suivie d'un mariage, l'union du duc de Bourgogne avec la fille aînée du duc de Savoie, donne lieu à 2 médailles également. Donc il y a une insistance sur la paix de Ryswick. Et du coup, une telle abondance soulève des questionnements auxquels les registres de l'Académie ne permettent pas de répondre clairement. Il n'y a pas de positionnement. Pourquoi autant insister sur cette pacification? Il me faut donc émettre des suppositions, la première étant qu'une telle diversité peut s'expliquer par le désir de s'aligner sur la production européenne. En effet, les pourparlers de Ryswick ont nourri une importante production numismatique. On dénombre plus d'une vingtaine de médailles illustrant l'entente de 1697, et certaines sont produites par les ex-adversaires directs de Louis XIV. Pour preuve, cette série, donc extraite de l'ouvrage de Gérard Van Loon, consacrée à la paix de Ryswick, mais vue du point de vue justement anglais avec Guillaume III, comme restaurateur de la paix, et qui est présenté d'ailleurs comme donnant la paix à ses sujets. Donc, une telle profusion connue des académiciens explique peut-être leur insistance sur l'événement et leur application dans l'élaboration de monuments uniques et non équivoques. Les délibérations de l'Académie nous apprennent en effet que 3 projets portés par Charpentier ont été rejetés par la Compagnie. Alors, ces 3 projets sont intéressants. Le premier, sur Hercule, a été rejeté parce qu'il ne proposait pas une vision suffisamment optimiste de la paix. En effet, le type devait montrer Hercule remercié pour avoir mis fin au malheur de la France. Donc là, il y avait association, guerre, malheur, ce n'est pas très heureux. Charpentier s'est vu donc remercié pour ce premier projet. Le deuxième n'a pas été jugé convenable. La Compagnie n'estimant pas pertinent, je cite, d'introduire des médailles de ce goût-là. Alors c'est quoi les médailles de mauvais goût? Eh bien, c'est le fait de représenter la paix d'une façon qui ne met pas suffisamment le roi en valeur, ou plutôt qui lui confère des qualités d'humilité et de piété, puisque la proposition de Charpentier est la suivante. Il s'agit de représenter Louis XIV à genoux, et là je cite le registre, rendant grâce à Dieu de la paix qu'il avait bien voulu accorder à la chrétienté, et en haut, il y aurait une colombe rayonnante pour marquer le Saint-Esprit dont cette paix est l'ouvrage. La légende, inspirée d'un des psaumes de David, proclame « Confirma hoc Deus quod operatus es in nobis », c'est-à-dire « affirmer Dieu ce que vous avez opéré en nous ». Donc, rejet de cette deuxième proposition, qui est en fait assez révélateur, puisque c'est une proposition de représentation plutôt religieuse de Louis XIV, écartée également. Et la dernière proposition de Charpentier n'a pas plus de succès. Il propose pourtant d'employer la référence apollinienne, qui a déjà eu par ailleurs, qui a été déjà utilisée par ailleurs, et de jouer sur le polysymbolisme de cette divinité pour faire allusion aux valeurs à la fois pacificatrices et salutaires d'Apollon. D'abord jugée ingénieuse, et là c'est un terme que je reprends des registres, cette esquisse est finalement rejetée car l'image d'Apollo salutaris est limitée au monde de la santé publique. Donc là, ce n'était pas pertinent d'utiliser cette image d'un Apollon salutaire dans le cadre d'un retour à la paix. Ces refus témoignent de la sensibilité d'un sujet sur lequel les meilleurs médailleurs du temps se sont penchés. On trouve en effet des pièces suédoises, allemandes, anglaises ou néerlandaises qui immortalisent l'événement, en incluant d'ailleurs très souvent l'allégorie de l'Europe, dont le mythique enlèvement constitue une parabole de la fondation d'un espace commun fécond. Je donne un exemple d'une image suédoise, je fais plaisir à la présidente de cet après-midi, voilà, de Charles XII de Suède, vous voyez au revers Europe enlevée par le taureau. Voilà, ça a été un motif très utilisé pour célébrer cette paix de Ryswick. Donc, à la différence de ces dernières, les trois revers français retenus dans la série historique de Louis XIV ne contiennent aucune figuration de la princesse Tyrienne, alors que pourtant deux d'entre elles, deux de ces médailles, mentionnent Europe en légende, tandis que la troisième énumère les puissants signataires. Il faut sans doute interpréter ce choix comme un désir de se démarquer des frappes étrangères et d'imposer une image très personnelle d'un souverain que le rédacteur du registre présente comme s'étant dépouillé de ses propres intérêts par un principe d'équité et de justice. Donc toujours centrer les choses sur Louis XIV, ce que d'ailleurs je vais d'autant plus montrer dans ma seconde partie, puisqu'il est présenté comme le grand artisan de la paix. Sur les 20 médailles relatives à un acte de pacification, seules 3 mettent en scène la personne du souverain comme dispensateur de la paix, les autres, représentant le retour au repos au moyen soit d'une divinité mythologique, Minerve, soit d'allégories de la paix ou de l'hyménée, soit encore grâce à des objets symboliques, par exemple le caducée, la branche d'olivier ou le temple de la paix. Donc pour ce qui est de ces fameuses 3 médailles figurant Louis XIV en pacificateur, elles s'attachent toutes à montrer le roi en position plus ou moins évidente de supériorité, assurant de la sorte que la concorde n'est pas un signe de faiblesse. Je vais justement m'attarder sur ces 3 médailles qui représentent Louis XIV faisant la paix. La première, elle est en lien avec la communication d'Isabelle tout à l'heure, c'est l'entrevue des deux rois. Donc qui marque la rencontre entre d'un côté Louis XIV, de l'autre côté Philippe IV, et donc on constate une très légère inclination de Philippe IV vers son homologue français, inclination qui pourrait donc être interprétée comme l'expression de la révérence que le monarque catholique exprime à l'égard de l'impassible Bourbon. La suprématie militaire française, patente en 1659, transparaît au moyen de ce subtil mouvement, alors qu'aucun autre élément de la composition n'indique un quelconque déséquilibre entre les deux forces en présence. Au contraire, l'accent est mis sur la poignée de main centrale, échangée devant la barrière pyrénéenne, geste scellant l'amitié récemment restaurée, tout comme l'union des deux familles, confirmée dans la médaille suivante, par le mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse. Donc là, très légère démonstration de supériorité française. La démonstration de la prépondérance ludovicienne est beaucoup plus frappante dans le revers voué à la paix conclue avec Alger en 1684. Là, ici, il s'agit d'un roi qui fait la paix en pardonnant. Ce pardon accordé à l'Afrique suppliante peine à s'exprimer au travers du regard sombre et du visage fermé que le prince affiche ici. La proue de la galère, ainsi que le canon pointé en direction de l'implorant ambassadeur d'Alger, sonnent comme une menace explicite de représailles en cas de récidive. Du reste, hein, le bâton de commandement pointé vers la bouche du canon, comme l'armure antique portée par le roi de France, lui confère une allure martiale que le geste d'absolution qu'il consent de la main gauche ne parvient pas à faire oublier. Le contraste est assez saisissant avec la figure du roi Clément, telle qu'elle a été mise en peinture en 1661, donc je n'ai pas résisté hein, au plaisir de vous remettre cette peinture, de Louis XIV en Alexandre, hein, ici un Alexandre Clément. Donc, dans cette médaille, à rebours d'une apologie de l'indulgence de Louis le Grand, mise en peinture quelques années après la Fronde, la médaille conçue par Jean Mauger exprime la capacité du roi à faire régner l'ordre en obligeant l'infidèle Algérien a envoyé une ambassade destinée à mettre fin à son courroux. La médaille entre donc en résonance avec le décor ornant le salon de la paix du château de Versailles. Ce décor, c'est celui-ci, hein, l'Europe chrétienne en paix, certes en paix, mais quand on regarde attentivement, une Europe qui écrase le turban et le croissant, hein, ce que d'ailleurs Gérard Sabatier a bien souligné dans son dernier ouvrage. Donc une Europe quand même guerrière, notamment pour triompher de l'Empire ottoman. Le dernier revers, dans lequel Louis XIV est directement magnifié comme roi de paix, exalte son rôle de père de la patrie. Le voici. Dans cette médaille consacrée à la paix de Ryswick, la France, agenouillée aux pieds du roi, lui exprime toute sa reconnaissance pour avoir réussi à mettre un terme à la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Le roi, de profil, place la branche d'olivier au-dessus de la tête de l'allégorie, répondant ainsi aux attentes des sujets accablés par 9 années de conflit. L'éloge du caractère bienfaisant du roi se poursuit dans la légende, avec la référence à son rôle paternel, mais trouve toutefois ses limites dans la raideur de sa silhouette, et dans le détachement qu'il affiche. Son regard, fixé sur le lointain, sorte de défi lancé à Guillaume III d'Angleterre, traduit sa détermination et son ambition à ne pas fléchir devant presque toutes les puissances de l'Europe. À nouveau ici, l'établissement d'une paix durable ne semble pas être l'objectif premier de Louis XIV. Ces trois exemples constituent donc autant de façons distinctes de célébrer la figure du souverain faisant la paix, capable de la sceller lui-même en consentant à épouser une infante espagnole, d'accorder son pardon à des pirates récalcitrants ou de se montrer miséricordieux par le renoncement à une gloire certaine afin de soulager son peuple. Outre cette figure visuelle du monarque pacificateur, les références à la paix dans les descriptifs sont assez nombreuses et permettent d'appréhender comment les membres de l'Académie entendent présenter les rapports du roi à un état qui devrait être perpétuellement recherché par le dépositaire du pouvoir. On remarque tout d'abord une application à souligner le pouvoir décisionnaire de Louis XIV en faisant du roi l'acteur principal de la pacification. Et en cela, ça n'est pas très original, hein, puisque on a déjà montré tout à l'heure les exemples de Guillaume III donnant la paix à son pays. Donc c'est exactement la même chose. Il est vrai que les traités sont nominaux à l'époque, et que l'accord pour mettre un terme au combat est entendu entre le seul monarque et ses divers adversaires. Parce qu'il est, comme l'écrit si bien Joël Cornette, celui qui cristallise en sa personne et en sa fonction l'essentiel du discours et de l'exercice de la force, il apparaît également comme le seul à même de mettre un terme à la violence. Ainsi, le descriptif, associé à la médaille sur la prise de Gand en 1678, rend hommage au prince qui s'impose la paix à lui-même selon les conditions qu'il a lui-même définies. Dans un autre monument métallique, la guerre ne prend fin que par la détermination du roi qui offre la paix aux Anglais et aux Hollandais, ou plus tard qui est en mesure de donner plus d'une fois la paix à l'Europe. Donc on voit bien qu'ici on a un champ lexical du don qui rend sensible la générosité de Louis XIV, tout comme sa qualité de dispensateur d'harmonie. Et d'ailleurs, on retrouve exactement la même idée au plafond du Salon de la Paix, alors, que vous avez ici en détail. Hein, ce salon s'intitule, La France donne la paix à l'Europe, donc c'est la même chose. La paix apparaît donc comme le fruit de la volonté suprême du monarque, personnalité éclipsant les plénipotentiaires chargés des négociations, devenant l'unique éminence dont l'histoire doit retenir le nom. Premier acteur de la paix, Le roi en est aussi le principal initiateur, selon l'idée que son désir le plus ardent est de promouvoir en tout lieu la concorde entre les peuples. Il semble ainsi, s'approprier un adage de Salluste, repris par Grotius, que les princes sages font la guerre pour avoir la paix. La politique diplomatique de la couronne, ainsi que son interventionnisme à l'étranger, sont dès lors justifiés par cette louable intention. Si le duc de Bavière est battu et chassé de ses états en 1648, ce qui donne lieu à une médaille, c'est parce que le roi veut procurer la paix à l'Allemagne. La conclusion de la trêve de Ratisbonne 36 ans plus tard révèle la constance de Louis XIV dans, je cite, « sa résolution de donner la paix à la chrétienté ». Et l'argument est repris à nouveau dans une médaille consacrée à la France toujours victorieuse. Donc pour parler de la France pleine de victoire, on va parler de la paix et on précise que Louis XIV n'a cessé de vaincre que pour donner la paix. L'idée est finalement reprise dans une des œuvres glorifiant l'avènement de Monseigneur le Duc d'Anjou à la couronne d'Espagne, l'acceptation du testament de Charles II est justifiée par le dessein de maintenir la paix de l'Europe, alors que le souverain savait pertinemment que ça allait enclencher une guerre. Mais bon. Il ressort donc que la promotion du roi de paix entretient un rapport subtil avec l'imaginaire du roi de guerre. Afin à la fois d'éviter les contradictions, mais aussi de répondre aux détracteurs étrangers dénonçant l'appétence insatiable du Mars français, les membres de l'Académie élaborent l'image d'un roi dont l'ambition pacificatrice l'oblige à prendre des armes. Pour le dire autrement, la promotion de Louis XIV affirme l'hégémonie de la France dans la guerre comme dans la paix, à la manière d'une lecture téléologique martelant l'idée suivante: toute décision souveraine vise à favoriser la cohésion universelle. Ainsi légitimée, la politique ludovicienne ne peut que porter ses fruits, et c'est du reste sur cet aspect que s'attardent plusieurs médailles. Et que je terminerai donc mon développement. Les bienfaits de la paix. De ce pouvoir personnel que le monarque détient de faire la paix, il découle que les heureux effets de la tranquillité restaurée lui sont directement attribués. Le retour au calme forme donc un autre sujet sur lequel louer le roi soleil. Ce thème de l'apaisement retrouvé est abordé dans l'histoire métallique au prisme de deux bénéficiaires, les non-régnicoles, d'une part, et les sujets du roi, d'autre part. Donc je vais commencer avec les non-régnicoles, avec un seul exemple, par souci d'économie de temps. La réconciliation de la France avec ses adversaires inspire aux académiciens des développements sur les largesses dont le prince fait preuve envers ses anciens ennemis. Dans la remise faite aux Espagnols des contributions qu'ils devoient, la composition insiste sur la bonté de Louis XIV, figurée au centre de la médaille, proche de la victoire, brandissant une branche de laurier. L'expression du visage royal, la main tendue en direction de l'Espagne, tout comme l'inclination de sa tête, appartiennent à une gestuelle de la compassion que Charles Lebrun a précisée dans ses dessins dédiés aux expressions des passions de l'âme. Et donc, j'ai fait un zoom sur le visage, justement, de Louis XIV, et je l'ai comparé avec ce que Lebrun préconisait pour représenter la compassion. Voici le descriptif. L'attention vive au malheur d'autrui fait abaisser les sourcils vers le milieu du front. La prunelle est fixe du côté de l'objet, les narines un peu élevées et avancées, tous les muscles et toutes les parties du visage abaissées et tournées du côté de l'objet qui cause cette passion. Et je trouve que, alors mon zoom rend mal, mais on voit quand même bien cette expression de compassion. Et si on revient sur l'image précédente, il a le corps entier tourné vers l'Espagne. Devant tant de bonté, l'Espagne s'incline, témoignant sa reconnaissance et son soulagement. La mise à feu du registre des contributions donne en effet l'impression que les dettes espagnoles ont été effacées et que Louis XIV, sensible à la ruine justement des Pays-Bas espagnols savamment opérée quelques mois plus tôt par les hommes de Louvois, cesse d'affaiblir le monarque catholique. En réalité, la France ne consent à une remise importante qu'après l'intervention du roi d'Angleterre et ne se résout en fait qu'à une réduction de la dette, puisque les Flamands, plutôt que de payer 10 millions de livres, ne doivent en payer que 4. Ils en ont gagné 6, ce qui est déjà un bel effort, on va dire. Du côté des sujets français maintenant, les bienfaits de la paix sont abordés à deux moments distincts du règne. La série de médailles, centrée sur les débuts du gouvernement personnel de Louis XIV, dresse le tableau d'une France florissante. Je cite « aussi respectée au dehors que calme au dedans », dans laquelle l'ordre établi contribue à l'épanouissement de la navigation, du commerce, de la justice et des arts. Le roi, ici dépeint en Apollon, répandant la félicité dans un royaume prospère, est loué selon les mêmes arguments que ceux employés sur la voûte de la Grande Galerie du château de Versailles. Là aussi, l'accent est mis sur les décisions fécondes d'un monarque dont l'omnipotence est constamment perceptible. La grande différence, cependant, réside dans cette analogie solaire, délaissée dans le décor versaillais, mais retenue dans l'histoire métallique. L'abbé Bignon en explique le sens dans le registre journal du 18 janvier 1695, sans s'étendre dans une longue justification, ce que l'on peut regretter. Voilà ce que précise l'abbé Bignon. Le roi y est représenté sous la figure d'Apollon, tant parce que le soleil est le corps de sa devise que pour signifier qu'il est le protecteur des beaux-arts. La branche d'olive qu'il tient en sa main est le symbole de la paix, comme la corne d'abondance est le symbole du bonheur. Pourquoi avoir retenu Apollon alors qu'il est délaissé ailleurs ? Pas plus d'informations ici. Plus tard, alors que le royaume a déjà enduré plusieurs campagnes et peine à se remettre de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, les conséquences de la paix sont désormais traitées sous l'angle d'un retour de la prospérité. À présent que l'Europe ne se déchire plus, puisque le roi lui a donné la paix, celui-ci peut à nouveau encourager le commerce en instituant 6 commissaires chargés de veiller au dynamisme des affaires. Au moyen de la justice et de Mercure, divinité tutélaire des négociants, la fondation du Conseil de commerce arrêtée le 29 juin 1700 est justifiée dans le corps de texte comme une action dans la continuité de la politique économique défendue par Colbert dès les années 1660. Si l'ambition avancée dès la deuxième ligne est d'augmenter l'abondance des États, l'objectif premier est de fait plus prosaïque, consistant à renflouer les caisses d'une monarchie accablée par les dettes après tant d'années de conflits. On constate donc qu'à l'heure où la politique martiale de Louis XIV suscite un certain nombre de critiques au sein même du royaume, et là je pense opposition de Fénelon, opposition de Vauban, les académiciens font le choix de ne pas s'étendre sur le soulagement que les sujets pourraient ressentir. Certes, le terme est abordé au prisme d'une des médailles de la paix de Ryswick, mais on a déjà souligné à quel point l'attitude du souverain contrastait avec l'image du père attentif au bonheur de sa famille. Du reste, la formule « pater patriae » constitue une référence augustéenne explicite qui inscrit le souverain dans la lignée de cet illustre prédécesseur romain et affirme de manière savante le retour de l'âge d'or. Ainsi, l'image d'un Louis XIV roi de paix proposée par l'histoire métallique de 1702 repose sur la glorification, inspirée des modèles impériaux, du pacis et belli domini, c'est-à-dire maître de la guerre et de la paix. Les académiciens, soucieux de construire un récit historique cohérent, entendent présenter la guerre et la paix comme deux concepts complémentaires, favorisant l'un comme l'autre le rétablissement d'un ordre juste. Le règne du roi soleil correspondrait, selon ce discours, à une quête de la stabilité, état de calme qui ne pourrait résulter que d'un respect de la hiérarchie selon la conception héritée des réflexions de saint Augustin dans la paix de Dieu. En reprenant cet idéal d'un espace européen pacifié car organisé selon un ordonnancement d'inspiration divine, les panégyristes affirment la prédominance française et légitime le poids des conflits dans la vie politique de la fin du grand siècle. Si j'en reviens à mon questionnement initial, je crois que si la paix occupe une place si marginale dans la publication de 1702, c'est essentiellement parce que les membres de la compagnie respectent sur ce point la réalité historique. Ils ne peuvent en effet nier la présence écrasante des conflits au cours du règne. C'est aussi parce que la figure d'un roi pacifique appelle à rapprocher le monarque de Salomon ou du Christ, prince de la paix, et que de telles associations n'ont jamais été plébiscitées sur le plan artistique par l'ensemble des membres du ministère de la gloire, établi par Colbert, en dépit du tournant dévot de la cour. Mais selon moi, cette place si mineure occupée par l'absence de discorde ne semble pas être véritablement le reflet de la volonté du prince. Pour preuve, dans l'édition de 1723, les 5 médailles relatives à la paix de Ryswick sont toujours présentes. Elles sont toujours là. Pour preuve également, le nombre important d'estampes commémorant la fin de la guerre de la Ligue d'Augsbourg et toutes les paix conclues pendant le règne. Je n'en retiendrai qu'une seule, cette image qui loue le roi pacifique au milieu de sa famille. Et en effet, Louis XIV invite l'Assemblée à regarder en direction de Louis XIII, Louis le Juste, dont le buste est surmonté d'une allégorie de la justice et jouxté d'une statue de la paix. Tandis qu'au-dessus du bras de Louis XIV, on reconnaît le buste d'Henri IV. Ainsi, digne fils du juste Louis XIII, heureux petit-fils du restaurateur de la paix civile à l'issue des guerres de religion, Louis le Grand invite ses descendants, le prince de Bourgogne en tête, que vous voyez ici, il invite ses descendants à suivre la voie de la pacification. La taille douce constitue ainsi une sorte d'anticipation des propos prêtés à Louis XIV par Voltaire. Tâchez de conserver la paix avec vos voisins. J'ai trop aimé la guerre, ne m'imitez pas en cela, non plus que dans les trop grandes dépenses que j'ai faites. Prenez conseil en toutes choses et cherchez à connaître le meilleur pour le suivre toujours. Soulagez vos peuples plus tôt que vous pourrez et faites ce que j'ai eu le malheur de ne pouvoir faire moi-même. Je vous remercie.